zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratseko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik. Agur deneri, entzuten duzue zortzi herrialdeak zuzenen Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, estáis escuchando zortzi herrialdeak zuzenean, la emoción para con... Diaspora Vasca. Ala. Hey everyone, you're listening to Sortzi Herrialdeak Zuzenean, the best diaspora show. Ala, bonjour à tous, vous écoutez Sortzi Herrialdeak Zuzenean, l'émission de la diaspora basque. Un tout petit détail d'information, on supporte Marcel aujourd'hui, donc ala, Marcel Engatik ezin dugu entzun irratian lapurdin, gure irratian hori da. Eunta 6.6 ez amartxan momentuz, baina ez minga hor da, irulegu irratiak da. Internet emitete. Sibiloko gotzar da. Antxeta? Antxeta irratia da. Hala, beraz, beste xarean hor, komunikabide xareetan entzuten alda. Hala, segitzen dugu beti bezala, Johnny Kurutxeten bertsuarekin. Aha, Johnny Kurutxet. MP3, ahal duzu. Bai, nahi duzu entzun? Bai, horren txibertan, otoi. Hale, gozen orduan. Hale, du. Euskaldon lorra, agor bat egon, heldo zaizu urrunetik, barre hatonik mondo altuzun, Seme eta ala betari. Argentina urru gaitxile, Estado batuetari. Marroko, Afrika, Xangai, China, ta berdin Australiatik. Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzeri. Hala beraz, Johnny Kurutxek egin duen kantua, bertsoa, sortzi herrialdeak zuzenean entzule guzientzat. Gaur, aipatuko ditugu, gurekin beraz, Naya Robles kantaria gurekin da hemen. Alenda Roz sukaldaria gurekin da, eta ikusten alduzuen bezala. Segitzen aldimadiguzue Facebooken bitartez, ikusten aldiguzue, danek bere botaila irekidu, ala, eta motura erakusten. Hala, beraz, Alain, tu as Maxime Garrick de la Maison Basque de Marseille qui te regarde, tu as Bingen Daguerre qui est champion de France à Pachaka, Bingen, bravo, bravo. Stéphane Laplace, Jean-François Duprat, tout le monde qui nous regarde, voilà, avec ton piment sang qu'on va évoquer tout à l'heure. Il y a Bernie de, tu connais Bernie? Bernie S. Ah, la Bernie de Andai, un copain d'Angela Mejías, justement. Ah, très bien. Qui aurait dû être avec nous ce soir, qui nous regarde également. Chorguineta. Olida, et Gero Badugu Beras Emen Naya Robles. Et Unon et Dora Achaldeon. Achaldeon. Et Emen Justuparian. Voilà, Frédéric Sproux, Gure Laguna, Adishkidia, Yoko Anse, Markaren Arduraduna, Doni Banen, Louis Tsunetik. Hala, badugu Mouchou bat, Angela Mejiares Sempartes, qui est à Luchon. Angela Mejiares, voilà, oui. Elle est à Luchon, vous ne pouvez pas être avec Au nous festival, ce soir. Festival, oui. Voilà. Nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, deitu, edo galdera bat baldin baduzue, be deitu zenbaki unterat, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, irudogoi ogoita mar, edo igori email bat, irratia, abildua, zenbakia sortzi provinziak.com elbidera. Queréis llamarnos? Tenéis una pregunta? Queréis enviar un mensaje a tu familia? Podéis llamar a este número 0033-559-596030 o enviarnos un correo electrónico a la dirección irratia@8provinciac.com. Vous souhaitez nous appeler, faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Alors, je donne le numéro international. Hein. C'est le 0033-559-596030 ou par courriel à irratia@8provinciac.com. You want to call us, you have a question, or you have a message for any family here, give us a call at 0033-559-596030 or email us at irratia@8provinciac.com. Hala, beraz, gurekin behasiko dugu, gaian beharan bezala, Nahiarekin, beraz, Naya Robles, egunon. Egunon, arratsaldeon. Ez da gitzusen hemen. Bo, tenore lagatik, gaitan aginuke egunof. Ba, egun oft, hontxada hori. Hala, egun oft. Hala, beraz, jadanik, etorria zira emankizun untan? Bai. Ah, Tori nintzen, ez dakizen bat denbora, jani, baina... Zure... Le Chant de Noël. Le Chant de Noël. Ego berri zong zizkaren zat. Yes. Hori zen 2000 amairuana. Ebe bai, behala. Ebe, nola pasatzen da denbora. Zartzen, da, eh? Zartzen gira. Zu. Non, Bon, un txasten gira. Bai. Orduan, errazu, gomitatu zaitut hor zenta... Eman izun zenta... Xare sozialetan... Bai. Aurkeztu duzu, kantu berri bat. Bai. Hala, begiak etxi. Bai. Esplikatzen aldi guzu. Dale, nork idatzi du kantu hori? Orduan, da prozesu berezi bat, nahi nuen zerbait idatzi preso eta presoen familien zat. Mm-hmm. Eta musika bat atseman nuen, eta hortik neraitari galdetu dut zela zerbaiten idaztea, mm-hmm. idatzi dizkiot zenbat idei batzuk, eta ondotik berak eman du bertxotana. Orduan da presoen dako kantu bat. Eta haien familien dako ere. Bai, noski. Eta, beraz, zenta, bon, kantua, edo kultura, ka handi batekin, kultura, da, Robles familian da familiko historio bat azkenean. Be, azkenean, nahi bauzun, era itatxeren historiotik abiatzean, da politika, eta ondotik, bai, nire... Beraz, antzerkia? Bai, egia, egia. Eta ondotik nahi duzu nire aitaren zera familiana, bere anaia jebekin, izan da kultura bereziki. Zeta, kultura. Politikatik iduriz ateratu dira eta sartu dira jont kulturan, bai, dantzan, kantuan, ugutz kondatzaile, kondalari, ez ditzu kantari, batzuk idazten dute, beste batzuk margolari irkusekin, bon, hala. Gorka eta zu kantu? Gero bai, hori da bere, beste belaunaldia, horren bai. Irugajena, bai. Eta badan laugajen bat ere. Bai, bai, bai, bai, bai, zenta aurrak egin ditugu. Abo? Be bai. Aurrak ditu. Aski erroak ginen aurrak egiteko eta segida bat emaiteko familiari. Eta beraz, erran lain duke, zer da nahiaren aktualitatea gaur edo zein dira zure proiektuak noski Euskal Herrian, baizik eta lotura bat behar da diasporarekin, ez dakit bai, idei batzuk behar dituzu eta hemen duzu emankizuna, pasarazteko, ez dakit bai. Nahi bat, bai. Proiektu bat duzu buruan eta zergaitik ez, atseman norbait diaspora, urruneko diasporan edo urbileko diasporan ere. Bai, bai, so, bai. Diasporan eta ko hasten da tarno zen, eh? Ordean. Bai, ja. Ba, ez, me ideia fenagusia da, nire repertorio behiarena, nahi dute jana, da musika dela denen, bai. Denen dako, eta ez dela, afen, bai euskaraz kantatzen dutala, baina nire beste hizkuntzetana, eta betidanik, eta euskal kantaria naiz bai, baina kantaria naiz ere, eta musika niretzat da hizkuntza bat, hizkuntza universala, bai, eta ez da mugarika musikarekina. Horto nahi dute jan, bai, kantatzen badut, fen, kantua Ego Amerika jake kantatzen baditut, da lotura egiteko nire behogoi lengusuekin Argentinan. Inglesez kantatzen badut, da euskal diasporarekin lotura egiteko Amerikana. Eta frantsesez kantatzen badut, da nire amarekin lotura egiteko bai, ere, ez baita euskalduna. Orduan, Katalan aldean ditu? Bai, oira, bai nire amatxi bai. Zena Katalania zen, bai. Beraz, pertsonak efe, nola egan, euskal kultura, bai. Nunbait, zure familia mitartez da, piskat gaurko euskal kultura bezala, da, kanpoko kulturak gabe ezin da bizitu. Behar ditu kanpoko kulturak bere nortasuna justifikatzeko nunbait. Be, gure kultura defenditzean, nahi bauzu, beste hizkuntzak alditugu ere mintzatu edo kantatu. Mm-hmm. Ez gaitu ere zerbait kentzen. Ez gehiztatzen. Hori da, orduan, aberastasun bat da, zenta, niretzat. Ezagutu nuenik eta ezagutu nituen Mexikoko euskaldun batzuk. Bai. Eta eiek esplikatu zidaten jaione argieta, gainera. Eien bi egunerozko kulturan, bai euskara erabiltzen zuten, baizik eta euskara, eta hizkuntza gainera, nahasketa batzuk baziren. beraz hizkuntzan. Bai, normala da. Hango, ez da Espainiako espainola, baizik eta hango espainolarekin lotura bai. Batzuk, bai. Ipar Ameriketan ere bai, uste dut ezter. Bai, hemen ere gertatzen da, bai, da frantzesarekin eta gaztelerarekin ere influenziak badira. Egan abaitu, aberasten duzu euskal kultura hango kulturarekin, baizik eta alderantziz, aberasten duzu haien kultura euskararekin. Istanda. Hor, beti segitzen zure aktualitatean, hor, kantaldi batzuk... Berriz hasiko, hor, otsailaren amekan izanen naiz larun batarekin irisagin, sortziak eterditan, ospitalia salan. Bai. Ondotik, joaten naiz Bilborat normalki omenaldi bat egitera, katalan... Niarat ere joan behar dut, behori izanen da berriki jakindut joaiten naizela udazkenean. Eta ondotik, kantatuko dugu hemen inguruan. Nahiago dut ere, hemendik kanpo kantatu, gure kultura ezagutarazteko, baita ere euskal diaspora ezagutzeko eta... Eta ez dakit, gauzak partikatzeko ere haiekin, haien hizkuntzetan. Eta behar bada ere bai betetzeko zure zenta, euskal kultura ere bai. Bai, hori da, egia da, repertorio hortan lau hizkuntzetan kantatzen dut, bai frantsesez, euskaraz ebistan dena. Espainolez? Espainolez, ez dut espainolez jaitenek ego Amerika. Ez dut maite. Bai, niretzat bada diferentzia bat. Castellanos, mintzatzen duzu. Castellano, hori da. Eta inglesez ere bai. Eta inglesez. Inglesez ere bai. Itzulpen txiki bat eginen dugu. Eginen dut lehenin frantxesez segitzen duzu gero ezter? Bai. Bikain. Donc on avec nous Naya Robles, qui est déjà venu dans cette émission de radio en 2013. Pour la sortie de son album à l'époque, c'était Les Chants de Noël. De Noël. De Noël, tout à fait. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Avec Gorka et Marc Lartigo. Exactement. Et depuis, elle n'était pas venue, mais elle nous écoute régulièrement. Bien sûr. Dans son actualité, donc, j'ai souhaité la faire venir expressément parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et d'autres réseaux d'ailleurs, elle a diffusé un nouveau vidéoclip qui s'appelle Begiak Echi, qui nous expliquait que c'était un chant qui avait été écrit. Enfin, elle souhaitait faire un chant. Et qui avait donc été écrit par son père et qui raconte donc un peu l'histoire sur les prisonniers basques et la situation des prisonniers basques, hein, on va dire ça. Alors l'histoire de la chanson, c'est le parloir. En fait, d'accord. C'est le parloir, se préparer pour aller à un parloir, donc la famille qui est à l'extérieur, qui ne sait pas quand est-ce qu'elle va visiter le prisonnier, et le prisonnier à l'intérieur qui ne sait pas s'il va recevoir une visite. D'accord. Et c'est cette attente, et c'est un message d'espoir quand même, pour dire aux prisonniers, aux familles de prisonniers, qu'on espère qu'un jour, on arrivera à ce que ça se termine, quoi, qu'on puisse faire que les familles se retrouvent. Voilà. Et donc, le titre s'appelle Begiak Echi. Vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez le voir également sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, hein, sur la page de Naya Robles, je suppose. Oui. Voilà. Hein, donc, voilà. Et dans son actualité, donc, je lui demandais également, parlons un peu aussi de diaspora. Elle-même, elle nous expliquait qu'elle avait à peu près une quarantaine de cousins en Argentine et que c'était l'album qu'elle produisait, il allait être en quatre langues parce que justement, en castellano, donc en espagnol sud-américain, parce que par rapport à sa famille, mais elle le fait également en anglais, en euskara bien sûr et en français. Et donc là, je lui ai demandé si effectivement ses prochaines dates, son actualité, donc il y a ce projet d'album en cours, mais il y a également des concerts. Dans différents lieux. Oui. Tu peux juste me rappeler. À Irisari. Irisari, c'est à la commanderie. Le Irisari à Hospitalia, c'est le 11 février à 20h30. Et ensuite, j'ai d'autres choses sur Bilbao le 4 mars. Mais bon, voilà. C'est et un peu plus souhait, loin. Tu aimerais aussi pouvoir produire dans la diaspora, en fait. Oui, j'adorerais ça. C'est-à-dire que j'en ai pas marre du Pays Basque. Moi, j'ai envie de chanter ici, mais je meurs d'envie d'aller rencontrer les gens qui sont partis d'ici. Puis ça fait partie aussi de mon histoire. Nous, on a eu la famille qui est partie en Argentine en 1936. Ouais. Avec l'histoire de l'époque de fuir quand même la dictature, mais l'histoire des gens qui sont partis en Amérique du Nord et ce qu'ils ont vécu, je sais pas, je trouve super intéressant d'aller à la rencontre de ces gens-là. Voilà, et comme tu disais, donc tu chantes aussi en quatre langues parce que tu es une chanteuse basque, tu chantes en basque, mais parce que tu es d'abord chanteuse, ouais, qui est un outil universel, ouais, donc tu chantes aussi dans les autres langues. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une justification, et exactement, moi je commence à être un peu agacée de ça, parce qu'on ne dira pas par exemple... On ne dira pas... C'est Esther. Alors là, elle s'est faite... Voilà. Grillée, là. Grillée. C'est Esther, c'est le direct, voilà. Donc, Non, juste pour dire que, évidemment qu'on défend notre culture, évidemment que la langue basque, elle est importante, mais ouais, on ne dira pas à un pianiste de musique classique qui joue du Mozart de ne pas jouer du Mozart s'il n'est pas autrichien, par exemple. Voilà. Donc moi, je ne veux pas m'interdire, hein, de chanter en basque, en français, en anglais, en japonais, en javanais, en n'importe quoi, si j'ai envie de chanter et que la mélodie m'intéresse et que j'ai un message à faire passer. Donc pour moi, c'est un message sonore, vibratoire, d'émotion, et si les gens ils le reçoivent, c'est très bien, dans quelque langue que ce soit. Et est-ce qu'on... Est-ce qu'on pourrait très bien demander à Alain Darroze de danser un fandango sur du javanais? Eh bien, pourquoi pas? Le problème, on l'a fait déjà. On va voir le pimençon d'abord. On l'a fait à 3,5 g de pimençon. On a fait, oui. Le piment, bon, chez Gitsenga Itouinek et Facebook, ceux qui nous suivent, on voit parfaitement bien le piment dans la bouteille de Alain. Voilà, fais voir l'étiquette. L'étiquette, ton. Voilà. C'est beau, ça. Ça, c'est etché, quoi. Je sais que pour rester dans une actualité pas si lointaine que ça, il y a un an, avec ce qui s'est passé à Paris, des amis à toi, victimes, ont fait des photos, des dessins sur le pimençon qu'ils ont bevé. Ah oui. Hein, c'était charbon. C'était... L'équipe de Charlie Hebdo, ça a été un changement dans ma vie, dans ma façon de voir la vie, oui. Voilà, j'ai perdu 4 copains ce jour-là. Voilà. Et donc voilà, oui, avec Charb, Luce et compagnie qui ont fait pas mal de dessins sur le pimençon. Oui, oui, voilà. Ouais, oui. Voilà. We are going to follow, please, for a small translation, Esther. Castellano or English? Los dos. Vale. Well, we have Naya Robles here with us. And first, my question, do you speak English? A little bit. A little bit. So I know she sings in all 4 languages, but I wasn't quite sure if she spoke the language. So I know Naya Robles does speak the English a little bit. So she's here, a little history about herself, like her Aitachi, you know, on the side of, due to politics and everything, like he wanted to bring the cultura into the household. So everything that forms part of culture is not only just politics, it's dance, it's singing. And so within her family, some people write songs, some people sing songs, some people are artists as far as like drawing, painting. And so Naya is a singer. Yeah. And so her song, I don't know if she's going to sing for us today or not. Oh, maybe. Okay, good. Her song, Begia Kechi. So she asked her father for some help with this song. And so she wanted to write a song for all our political, I don't know how to say the word in English now, people who are in prison. So anyone who's been in prison due to any issues here in the Basque Country that have been sent to places far away from home. She wanted a song that would be written for them, for their families, not only for the people who are in prison, but also for the people that are here at home, their families. So she asked her dad to help her with this song, and so he did. And so from there, she talked about what music is to her, and so she says music is also another language. And so music is another language, and it's also a very universal language. And so that's what singing is for her. Also, along with singing, she, you know, that's why she wants to sing all 4. Her mother is from Catalonia, and so she's got diaspora in her blood. And so within her music, she'd like to also coordinate a little bit of not only the diaspora in the United States, in South America, France, wherever it may be, she wants to coordinate some of that culture in her music, along with sharing the culture from here in the music, kind of a synthesis of all cultures within her music. And I think that's about as quick as I could do on English. Y en castellano. Yeah. Sí. Lo hacemos rápido. Naya Robles, ¿también hablas castellano? Sí, también. Castellano. Castellano. Vale. Pues, Argentina. De Argentina. No, de aquí también. Vale. Y el mío castellano, pero el acento americano. Muy bien. Pero, me gusta mucho. Sí. No es la voz de Joaquín, ¿eh? Bueno, Naya, entonces nos ha explicado un poco de su familia, empezando con su Aitachi. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar un poco rápido así de tu Aitachi? Es a través de tu Aitachi aprendisteis él, que era pertenencia política, pero... Sí, era Manu Robles Aránguiz, que había fundido el primer sindicato vasco obrero y era presidente del PNV de la época, no de hoy. Pero, bueno, se escapó en 36 porque había escrito unos papeles sobre Primo de Rivera que no habían gustado mucho. Claro. Y bueno, se escapó y llegó aquí en Briscus, en Bescoitze, a comprar una casa y ahí se quedaron los... ¿A Malur? Sí, a Malur era el ¿fue restaurante? ¿Un restaurante? No, pero a Malur era la granja del caserío. Pues yo conocí a Uguts. Sí, porque en el restaurante, mi abuelo Aitachi había dejado la granja a Uguts para que hiciera un restaurante que se llamaba Amalur, pero el caserío se llama Lecueder. Lecueder. Ni izan naiz Amalurren lau urte nituen eta Ugutsek egiten zituen marrubi ikaragarriak denbora hartan eta bisitatu nuen behin ondoko bazen jatetxe eta basirriak gibilean eta behien artian bazen aseri txiki bat. Aseri bat bazen gibelian. Eta erakutsi zidan, txikian lau urte, eta la, gaur egun berrogo urte gibelan duxago. Berro itzen iz. Zuri ez der. Seguimos tamien con ella. Entonces, a través de su Aitachi, tamien entró tamien la formación de la cultura dentro de la familia. Tanto el baile, tamien cantar, tamien dibujar, pintar y todo. Entonces, si he entendido bien, hay cuatro hermanos. No, ¿en qué familia? En la tuya. Familia de mi padre de tu eran 11. 11, pero después... Y nosotros somos 3. 3, vale. Dos hermanos tengo yo. ¿Y tú cantas? Y los otros también. También, sí. Pero alguno dibuja, pinta. Esos son de la familia de mi padre, los hermanos. Un hermano de mi padre, Irkus, que es conocido aquí como pintor. Uh-huh. Y... Él pintaba entonces. Sí, vale. Y sigue pintando. Entonces, a Naya para música, para ella, es otro idioma. Sí. O otro idioma. Entonces, a través de la música, que es también tanto un idioma, pero es universal. Entonces, a través de la música le gustaría incorporar la cultura, tanto de otras culturas de la diáspora, también compartiendo la cultura de aquí. Sí. Y en eso, por ella, por ejemplo, ella canta en 4 idiomas. Sí. ¿Qué son los 4 idiomas? Son en euskera, en francés, en castellano y en inglés. Castellano. Entonces, también utilizando solo 4 idiomas, metes un poco de la cultura de todos. Sí. Entonces, por eso, cantando en inglés, atrae a la gente de la diáspora de Estados Unidos o de cualquier, también de Inglaterra, Australia, donde se habla inglés. Y después castellano, de Sudamérica, de México y también en Estados Unidos, donde se mantiene también el castellano. Y creo que así era todo. Ahora, ¿tú concertó Batsu, que era de Guiná? Iris Sahin Hospitalian tiene un concierto en este mes tiene 3 conciertos. El 11 de febrero, un concierto en la comendería Hospitalia de Irisagi. Y después en Bilbao. En Bilbao. También, sí. Y después va a ir a Cataluña. También. Pero tiene muchas ganas de ir a la diáspora. Sí, hemos estado en Argentina, en Buenos Aires, y he estado también hace 4 años con Urko y Nacho Kenner, el hermano de Gorka Kenner, en Rosario, centenario de la Euskaitzea de Rosario. Y he cantado allí con ellos y Argentina, bueno, ya está. ¿Durante la Semana Vasca o...? Sí, era la Semana Vasca. ¿No? Era en octubre. Igual, justo antes de la Semana Vasca, sí, igual. No sé. Kantu hori hor begiak etxi, ikantatzen hasi nuke Marseillan, ere bat diasporan baita. Bai. Eta bade ere bai Lebomet, beraz lotura iten hasi nuke, izan daiteke Euskaldun batzukan ere bai. Bai, biztan da. Proposatzen da uzet orain txibertan entzutea, beraz begiak etxi. Kantuaren denboran guk stream live video hori mosten dugu. Zenta bestena zentzuten dituzue guk erraiten ditugun astokeriak musika denboran. Ados, gero arte, berri duzu ezen gira Facebooken. Begiak etxi. prestatu gubiek ere ederki apaindu agian bihar joan behar dugu eta aita bisitatu begiak itxi ta ikusi esperantza etxi begiak ta ikusi eurita gero iduzkia itzultzen arrabotxeri gakoaren latzki rinkari ez da gaur ere ageri ahangabe bat ere ez dut gogorik begiak entzi ta ikusi espera etxi begiak ta ikusi eurita gero iduzkia itzultzen Hala beraz, Naia Robles, Naia Robles entzun dugu beraz, begiak etxi entzuten duzu ezortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Eskutxaz zortzi herrialdeak zuzenean emision para la diaspora baska. You are listening to zortzi herrialdeak zuzen, The Basque Diaspora Show. Vous écoutez zortzi herrialdeak zuzenean l'émission de la diaspora baska. Je vous préviens, il y a une ambiance de folie ici. Mais pas du tout. Il y a Alain Darroz qui est en train de servir déjà du pimenton à tout le monde. Je vous dis pas l'ambiance. Mesua kigortzeko iratia arrobaz a bildua, voilà. Zenbakia zortzi provintziak.com elbidera. Donc, beharrik ez dela filmatu, eh? Eh ben, tiens, oraintxe bertan erraiten duzu filmatu behar dut. Ez. Eta, beraz, on va segitzen dugu, gaurko emankizuna, on a donc avec nous... Doesn't matter. Alain Darroz. Hello! Hello, Alain, comment vas-tu? Très bien, ça va, ma foi. Eh ben, ça va? T'es où? Je vois, on voit bien, on voit que t'es bien, oui. Donc, c'est la première fois que tu es avec nous dans cette émission. Oui, il faut toujours une première, on s'en rappelle ou pas. Elle est quand même particulière, on va dire. C'est toujours particulier. Eh bon, mais, comme je sais que bon, tu es cuisinier, mais tu es bon, aussi ouais. Un homme de communication. Oui. On va dire que tu as l'habitude des médias. On voit ma tête, oui, parfois. Voilà. Et, t'as quand même pas souvent vu des émissions comme ça en quatre langues. C'est magnifique, c'est formidable de voir Esther parler en espagnol, en basque, en anglais et en français ici et basque. C'est un melting pot assez extraordinaire. Voilà. Mais tu sais quoi, on a même Jean-Christophe de Bételu qui nous regarde. Jean-Christophe qui a son frère qui a un restaurant à San Francisco, Daniel de Bételu. Tu vois, donc, qui avait avant un restaurant à Biarritz et qui s'est installé à San Francisco. Formidable. Voilà, Jean-Christophe, allez, salut à toi. On va continuer quand même un peu, si je dis à Linda Rose, de suite, on me parle cuisine, forcément. Elle est obligée, ça, oui. Ah bon c'est ouais. Naya, c'est la musique, c'est la culture, c'est la famille. Moi, je fais des gâteaux aussi. Hein. Et toi, Alain, c'est la famille. Je chante aussi. Il chante aussi. Mais il nous dit pas tout. Il chante non. aussi. Mais donc, là aussi, c'est une histoire de famille, en fait. Hein, ta sœur aussi est sur Paris. Dans la non, c'est ma cousine, mais c'est pas grave. C'est, ou c'est ta un peu cousine. Comme, c'est un peu comme chez Robles. Oui, c'est pareil. C'est un gros imbroglio. Je suis poli, hein. Alors, j'ai envie de dire, donc ça fait quand même, on va faire quand même un petit test quand même, ouais. Un petit jeu. J'aimerais que tu fermes juste les yeux. Ah. Nous sommes le 5 février. Ouais. Peux-tu nous dire comme c'est un menu de saison là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire là maintenant? Et là, alors là, avec le froid qu'il fait, je vais m'arrêter à la soupe. Hein. On va faire une bonne soupe avec, ouais. Avec les dernières châtaignes peut-être qui restent pour remplacer des haricots si on n'en a pas. Parce que c'est bon la châtaigne dans la soupe. Mmh. On va faire une garbure, quoi. Hein. Tout simplement, on mettra des viandes confites et ça va nous tenir bien chaud après avoir bu un petit piment sans. Et ta garbure, tu la prépares comme... Je te pose la question parce oui. qu'en fait, c'est pour que nos auditeurs qui sont dans la diaspora, oui. qui n'ont peut-être certains jamais consommé une garbure d'ici. Comment tu l'as fait cette garbure? Bon, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est tout simple. On commence à faire. Faut faire gonfler le haricot d'abord, hein, un bon haricot, le haricot maïs, ouais. Le haricot qui a poussé autour du maïs. Ouais. Bon. Maïs Artogoria, si possible, ouais. Hein, le grand roubasque, parce que faut défendre les. Là, il faut aller chez Arlouché. Chez Yon Arlouché, à côté de Saint-Jean-Pied-le-Port, là, ou alors chez Aguerre, à Itiasuma. Enfin bon, il y en a de plus en plus qui font de l'Artogoria, tant mieux. Et c'est bien. C'est un bon maïs. Bon, après, donc le haricot, donc, on va faire un bouillon avec du jambon. Ouais. Après, on va mettre les légumes de Bayonne, ou alors du porc basque, hein. Ben, enfin peu importe, mais bien rance, un petit peu rance quand même. Et après, bon, ben, on va faire les légumes petit à petit. Le navet long ou le navet rond, bâillonné ou pas, on va mettre. Elle est pas mal. Non, il fallait la faire. Très beau jeu de mots. Je l'ai fait. On peut mettre couilla aussi. La citrouille. La citrouille, tout à fait, c'est vrai. La citrouille, patate. Gaster la châtaigne à la place du haricot, si on oui. veut. Ou pour remplacer la pomme de terre. Après, on peut mettre un peu de poireau, un petit peu de carotte, ça rend les gens aimables. Et un peu d'ail. Et beaucoup d'amour. Et oui, ça aussi, c'est ça, important. Surtout. Juste un petit coucou, on a Sandrine Diars qui nous suit. Sandrine Diars, c'est de Deguski Loreak Dantzan, qui est un groupe de danse basque à Toulouse, qui fait partie aussi de l'Eskualetxea de Toulouse. Au Patolocha. Valérie Granville de Biarritz également qui nous suit, qui nous regarde. Biarritz. Voilà, mais oui. C'est où? Biarritz, c'est au sud. Ah, c'est la banlieue de Bayonne. Voilà, c'est la banlieue sud. Voilà, c'est la plage bayonnaise. Et comme je leur dis, la Nive pour eux, hein, c'est la rivière Biarrotte. Voilà. Donc, cerise sur le gâteau, quand même. On avait un peu le jeu de mots. Hein. Oui. Hein, tu produis aussi donc le piment sang. Piment sang, sans cerise. Voilà, sans cerise. Fais-nous voir la bouteille, Frédéric. Voilà. Elle est un peu entamée. Elle est un peu entamée. Tonne, qu'on voit bien le c'est piment. C'est très, très bon. Voilà. Vraiment. Ah oui, non. Très bon. Alors non, attends, on me dit, voilà, Valérie Granville, Anglette, Morpion. Voilà, c'est pire encore, Valérie. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs d'abord qu'est-ce que c'est que le piment sang? Bon, le piment sang, c'est un vin. Quand j'avais un restaurant dans le Béarn où j'ai un petit peu fichu la panique à une époque en inventant la Garburade, qui est ce championnat du monde de garbure qui a lieu le premier week-end à Oloron-Sainte-Marie et qui perdure depuis l'année 1993. L'année après, j'avais fait créer l'association des producteurs de haricots maïs du Béarn. Ça aussi, c'est important, toujours de là où on est. Un très beau proverbe que m'avait soufflé un jour à l'oreille, mais fort, c'était André Daraïdou qui m'a dit « Où que tu sois, sois de là ». Ouais. Là, je demande à chacun de réfléchir là-dessus. Et c'est comme ça qu'on fait une très bonne intégration et qu'on fait chier personne. Ou qu'on emmerde tout le monde, ça dépend. Mais c'est de là aussi. Voilà. Donc là, j'ai fait ces choses-là. Et ça faisait un moment qu'avec mon copain Eric Etchamendi, le fils d'Egnaut, le chanteur, avec qui j'étais à l'école à Saint-Palais, à Éricard, parce que j'ai fait agricole aussi avant de faire la cuisine. Avec Eric, on savait qu'un jour on travaillerait le piment. Donc depuis X années, je lui disais, mais il faut que je travaille le piment rouge, bien mûr, tout ça. Il me dit, mais non, on le donne au cochon, c'est pas bon, tout ça. Bon, bref. Il m'a apporté un petit peu de piment. J'ai fait de la confiture avec ce piment. Puis j'ai dit, ça, dans un vin, ça peut être que bon, ce côté pimenté et doux à la fois. Et je l'ai mis à macérer dans du Jurançon. Et ça a beaucoup plu. Et maintenant, c'est un Côte de Gascogne. Et on sort beaucoup de bouteilles. Ça plaît beaucoup aux jeunes, aux femmes. Et qui sera décliné en plusieurs formes, sous plusieurs formes d'ici quelques temps. D'ailleurs, là, on commence à avoir des auditeurs aussi de Bretagne qui nous suivent, tu vois. Donc, oui. ça se connecte, ça y est. ça se connecte un peu lentement, mais c'est normal. Voilà. On a même Michel Etcheverry qui est connecté, tu vois un peu. Adieu, Michel. Chanson pour mes amis. Voilà, donc on a Fernando Sabalsa, je ne sais pas si tu connais ce monsieur, qui est de la Maison Basque de Marseille, qui pose juste la question si c'est de l'eau qui est à côté de Alain là. Donc, Oui, c'est de l'eau. Voilà. Mais c'est de l'émission avant. Voilà, c'est l'émission d'avant, donc voilà. Et Sabalsa, il y avait du pimenton au foulard rouge à l'époque. Tout à fait. Chez nos amis Kittery et Edouard. Qui après, foulard rouge a fermé, c'est devenu Sapigori avec Burger. Voilà. Qui a fermé aussi, malheureusement. Ouais. Et là, ils sont partis sur une nouvelle aventure. C'est très bien. Mais qui n'a plus rien à voir avec la maison basque et la culture basque. Donc voilà. N'oublie pas, Marseillais, qu'on avait décidé, lors d'une émission d'avant, de faire du jeu de pommes là-bas. Exactement. Ça, toujours dans les tuyaux. Voilà. Merci pour le bonne chance qui nous est envoyé depuis la Bretagne par rapport à l'émission. C'est quand même une auditrice qui nous suit depuis plus d'un an maintenant, depuis le septembre ou octobre de l'année dernière, et qui est fidèle à chaque émission. Donc merci beaucoup, Madame Dupas. Je la remercie parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est agrégé en histoire et qui m'a filé un coup de main pour retravailler la conférence que je donne sur l'histoire de l'immigration basque. Voilà, c'est énorme. C'est une Bretonne qui m'a donné un coup de main, qui est agrégée à l'histoire, qui m'a filé un coup de main pour refaire toute la conférence sur l'histoire de la diaspora basque. Il faut toujours, pour comprendre les choses, regarder de loin. Absolument. Voilà. Et voilà. C'est ainsi que Pierre Oteiza, en partant à Paris, a découvert qu'il y avait du cochon basque, ou réalisé qu'il y avait du cochon basque ici, et qu'il fallait en faire quelque chose. S'il était resté là, peut-être qu'il n'en aurait rien fait. Voilà. Il faut toujours regarder de loin. Alors, juste une question, là. Mais comment ça t'est venu à l'idée d'aller mettre un piment dans du vin blanc ? Mais mon piment, je l'aime tellement, je le mets partout. Donc c'est ça, c'est la confiture, je l'ai. Esther, I don't think... Non, c'est pas traduisible. Traduisible, can you tell us in English? No, we can't translate that. Translate. It's not possible to translate that. Non, mais le piment... Le PG, piment. It's for adults. Yeah. It's not PG-13. I don't understand. After. After, non, ouais. Le piment doux, c'est le piment d'Anglette, quoi. Hein, le piment d'Anglette, et là, c'est pareil avec Eric Etchamendi. On avait décidé de faire quelque chose. Donc, il y a une quinzaine d'années, on a créé le syndicat de producteurs qui existe très bien maintenant, qui se porte très bien. On n'y est plus, ils ont tué le père, donc maintenant ils existent. C'est comme ça qu'on dit en psychologie à deux balles. Mais ça existe bien avec le championnat du monde, là encore, d'omelette au piment en pré-ouverture des fêtes de Bayonne, le mercredi matin, tout ça. Bon, c'est piment qui se porte bien, oui, voilà. Et il y a Je vais faire une petite traduction quand même. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Gouleke Nemen, Alain Darroze, alors tu habites à Arkang maintenant À Bastidan, Bastidan bizitzen dena, bona egonaren aluzaz bizitzen edozen lekutan hemen iparaldean, Baionan edozen eta beste lekutan, sukaldaria, hemengo euskaldunek oso ongi ezagutzen dugu, aspalditanik, da gure lekuko fenomeno bat, eta nahi dut pixka gomitatu gurekin aurkest gaur, lehen aldikoz da emankizun untan gurekin, eta aurkesteko bere idei bat zen nahastea bipera angeluko euskal bipera Arnon Xuriaikilan deitzen du hori Pimanson ala era Facebooken ikusten gaitu denek eta hemen ikusten dut erakusten botaila ala Pimanson hori tourne qu'on voit bien le piment dedans s'il te plaît. Hala, hala, hala, bipera. Hala, zumagabe, ez, besoa, luzarazten dut. Hala, eta beraz, alen, bon, entzun dugun bezala, erran dizkigu, da fenomeno bat, erran ditu, astokeri asko ere bai, baina gauz seriosak ere bai. Eta erran dugu, hala, uai dela luzaz, sukaldarian dela, eta esplikatu gaitu, eman gaitu menu bat, galdegin diot, ala, gaur gira, otxailaren bosta, zer prestatzen aliteike hor afaltzeko, eta erran gaitu, bon, gaurko egure alderikin hor egiten azuela salda bat, zesa, salda? Salda. Salda bat, lekuko salda bat, bon, eta gero barnean nahasketa, fer. Hala, ez nahi sobera sartuko barnean? Seitasunetan. Seitasunetan, ez benen barnean ere, zera igiri ginen dut benen saldan. Ah. Hor dian. Ez dakizu igiri gatzen. Gaizki, gaur. Oida, gaur egun gaizki. Baina, ala ere, nahi nuen gobitatu zen, bon, badira, ala, gaurko gastronomian, dans la gastronomie d'aujourd'hui, ya quand même, c'est peut-être aujourd'hui quand on réfléchit la gastronomie de demain, c'est une question d'ailleurs ça. Est-ce que pour faire la gastronomie de demain, on est pas quelque part parfois obligé de un peu plus se reprocher dans la gastronomie d'hier? Alors, la gastronomie, la cuisine, il y en a deux. Il y a la bonne et la mauvaise, quelle que soit sa période. Après, pour la faire, il faut le produit. Après, quant à la maîtrise, moi, la tradition, ça ne veut rien dire. Tradition, je préfère au lieu de dire tradition, je préfère dire fondation. Et quand on a une très bonne fondation, on peut faire absolument n'importe quoi. Et là, actuellement, nous, les cuisiniers, hélas, vieillissants, mais les mecs de 60 ans, comme moi, on a eu des bases où on nous a imposé des choses, où on était enfermés dans des cubes très petits. Avec un niveau scolaire, beaucoup sortait de cinquième de transition avec mention, parce qu'ils écrivaient papa avec 3 T, 3 P ou ce qu'on voudra. Oui. Bon, ça, c'était le niveau cuisine à l'époque. Et les mecs, ils apprenaient à coups de pied au cul, surtout, et etc. Maintenant, il y a une intelligence. Les gens vont à l'école, on se plaint au niveau scolaire, etc. Mais enfin, il y a beaucoup de cuisiniers qui arrivent dans la cuisine, ils sont bacheliers. Il y a un renouveau dans la cuisine, il y a des mecs qui sortent d'émissions de télévision, ouais, c'est artificiel, c'est du pipeau, c'est cela. C'est pas vrai. On a des jeunes, moi j'ai plein de jeunes qui sortent des copains qui sortent de Masterchef, entre autres, qui ne sont pas cuisiniers, qui sont graphistes comme Nathalie Nguyen, qui sont avocates comme Claire Verneuil et tout ça. Ce sont des gens qui réfléchissent tout à fait autrement, qui ne sont pas coincés par un dictat formaté. Et donc ça permet d'aller oser d'abord, parce qu'ils ne sont pas coincés. Ensuite, on a une cuisine nouvelle avec les espumas et tout ça. Mais tout ça, ça tombe très vite. Actuellement, on a le tachisme, là. Il y a des taches partout, de jus. J'en ai ras-le-bol. Parce que le hachois, il est éternel. Il ne bougera pas. Il est extraordinaire. Moi, je le fais en croquette, en ce qu'on voudra, en croustifonda. Même en nem, j'ai fait du hachois. En nem? En nem, oui, bien sûr, bien sûr. Mais la base est la même et elle est quand le hachoir est bon, il est bon, que ce soit sous n'importe quel truc. Par contre, si on commence à dénaturer avec des tas de trucs, bon, c'est marrant. Lorsque j'étais installé à la campagne, là, je me rappelle de clients australiens, une grande table qui sont venus, et je leur ai mis du maïs avec le miyasu, avec les maïsas, les paninotes et les zaneries que je faisais à l'époque. Et des trucs. Et les mecs, ils m'ont dit, c'est extraordinaire. on va manger partout, on va partout dans le monde, c'est des gens immensément riches, on va partout dans le monde et on va de Buenos Aires à Toronto jusqu'à Moscou, on a partout les mêmes présentations. Chez vous, on a mangé quelque chose de terroir qui ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Bon, évidemment, je ne suis pas exubérant dans mes présentations ni quoi que ce soit. Mais enfin, je vois des mecs qui foutent des fleurs partout. Moi, ça fait 25 ans que je mets des fleurs, hein. Mais un petit peu, quoi, pour apporter un petit peu de piquant, de trucs, cela. Mais il ne faut pas imposer les fleurs à tout le monde. Ce n'est pas une gerbe, quand même, mortuaire ou autre. Mais tout est à l'excès, quoi, un petit peu. Mais on a quand même ceux qui respectent la base ont une cuisine extraordinaire. Donc, avec une bonne base de cuisine ancienne, on peut faire ce qu'on veut dans le moderne. Mais là, c'est bah, j'étais un peu long, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais faire encore plus court. voilà, Sandrine Diars, donc de l'Escoletia de Toulouse, qui nous dit, moi aussi, le piment, je le mets partout. Là, tu vois. Voilà. Voilà. Donc, belaz, alenek raiten zuena, belaz, bai, bon, ez da, sobera importantena, ez da, erraitea lehenengo gastronomia, edo ez dakitze zela, beti izango da lehenengoa, beretako importantena da, edo gastronomia ona, edo txarra. Hori da importantea, eta gero hautatzea produktua, produktu onak, eta horrekin, ebe gauzak, bai, adaptatzen alditugu, bereziak itean ditugu, gero importanteena zen erraitea ere bai, be sukaldari gehienak bon, formakuntza bat egin dute, baina formakuntza gabekoak ere bai, eiek ere bai berezitasun bat ekartzen aldute errana baitu, ezagute ditu sukaldari berri batzuk hor, bat abokata dena edo besteak grafista dena, eta eiek nola ez dute ukan formakuntzarik, ebe ez dute mugarik. Hor dian, ala, ale, on te voa, hein? Ala? Ala? Le gag. Le gag. Voilà, voilà, voilà. Chapin. Biarko Chapin. Ala, bideoa, Chapin. Ala. Alen da roze gurekin dugu gaur egun, egonen da gurekin emankizun osoa. Nola erran, ari gira jadanik hasi dugu edaten pimanzona. Hala, Ester gehiene, Ester ne baino gehiago. Hala. Nik ez dut ukan. Ez dut ukan? Hala, Naya Robles, Naya Robles, egarri da. Hala, Naya Robles, ali da, piment sonekin. Hala, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kantatuko dut behar bat. Hala. Hala, ebe, hor, Ester, usten da usut itza, itzulpen egiteko, labur-labura, zenta tenorea intzinatzen ali da. Ados? Vale. So we have Alan here. And if you get to see him, since we are online... Alain Darroze. Yeah, speak myself for you. He does know a little bit of English, and he's quite the character. And I think a lot of the stuff that he says is not quite PG, not even PG-13. It's probably on the R-rated scale. So anyway, he's a chef. He's also brought with him his wine here, Le Pimenson. Pimenson. And as you can see, there is this big pepper inside of it. And so we've all had a little sampling of it, and it's got just a great taste of that pepper in it, so... Très bon, très bon. Oshona. Jorge Echeverriola, hola, Jorge. And so, Tania Arriaga, really quick, so he went on, he's also a chef, and so he talked about, as far as cooking, you can talk about what's the best type of style of cooking, but for him it's either good or bad. And that's, and then from there you go on and talk about the products and everything. And then a lot of times chefs, you know, they all have to go and study, and they study to be chefs. They go to some of the best culinary schools around the world. And then also then they develop their own particular style in order to be chefs in the kitchen. And then he also talked about, or this is maybe where I didn't quite understand, like, you know, sometimes we have lawyers that are chefs and they didn't quite study to be chefs. They didn't go on to a culinary school, but they have become chefs in their own, by their own nature. And then one of our questions for him was like, well, what would you cook for us today? And well, with the rainy weather that we have today where trees are falling and it's quite dangerous out there, I mean, our radio's not live today. He said, well, he would prepare for us a nice soup. A nice soup that's, you know, a mixture of vegetables inside. The secret, though, he didn't tell us what would be in there, but it would just be a nice mixture of things for this nice, cold, rainy February the 5th. With ham. Ah. Yes. With ham. Old, yeah, yeah. Old ham. And he also did some... Old ham. Ashoa. He did some nems. NEMS with Ashoa. What are NEMS? NEMS is a Japanese, Chinese, Vietnam's, you know, NEM is a, how we say, a NEM. Ah, they're crispy, like this and fried. Crispy roll. And fried. Crispy roll and fried, yeah. Uh-huh, I know, okay. And so, yes. That's. Yeah. And so inside of those, what did you put? What did you put inside of the NEMS? What would you put? Or what would you Ashoa. Ashoa, Ashoa. Girlfriend people. Yeah. just a break. You know the joke. You know what says a Vietnamian people the first time to an American the first time he met him. La première chose que dit un Vietnamien quand il voit un Américain pour la première fois. Je sais pas. What's your name? Oh. Ah. Allez, on continue. Jamais. What's your name? Ours, Ashoa. I have a headache. Okay, let's go. Not Pivanson. And then for rápido en español tenemos a Alain Darros aquí que es un cocinero. También tenemos a el vino que está hecho con también con el pimentón se llama. Y sí, hay una foto aquí del pimiento que está aquí también tiene buen gusto al pimiento. Y es cocinero. Y ha hablado un poco así sobre cuando se pregunta cuál es la mejor cocina del mundo, que hay dos tipos y que es el mejor, es bueno o malo. Y dentro de eso, ¿qué son los productos? Que escojan buenos productos para utilizar en la cocina. Y después que muchos cocineros estudian, es lo que estudian en la universidad, es para ser cocineros, van a las escuelas más prestigiosas del mundo para estudiar, pero también, y después, claro, lo que aprenden después van desarrollándolo para su propia cocina, el restaurante o donde trabajen. Y después hay muchos también que estudian para ser abogados, que ellos también empiezan a ser cocineros como otro trabajo y después aprenden a utilizar otro estilo. Fite ago joiteko badugu mezu bat ala agurbenoa pimanson tiki bat nahi dut nik ere Ashoa nem tiki batekin agur bat Kaliforniatik egon ongi Jean-Marc Irazabal de Santa Clara oraintxe bertan mezua Jean-Marc Milesker ale guai dela mabi urte segitzen gaituela mutiko horrek ça fait 12 ans qu'il nous écoute, he's listening to us since 2 years ago. Nos escucha hace 12 años, que, bueno, es increíble. Il est énorme, ce garçon. Jean-Marc, mil esker handi bat berriro gurekin izaitagatik. Pasapoxatzen entzutea musika bat, ezagutzen duzue My Little Weakness, The Lola Zolas taldea. Ez. No? Entzuten duzue My Little Weakness. Rest in the manner of bitterness. I guess this was meant to be. be. And I drink whiskey by the throatful until I can barely breathe. I spoke too soon at the sight of the moon. I'm habitually, irreversibly late. You wander in on the edge of my mind. You know it's fading fast. Your tongue is warm, your heart is golden. Do you know what you mean? I barely know where I've been. There's a place where we can hide. I got a newspaper and I'm waiting outside. Beraz, entzun dugu talde bat, etxoen izena, galdu dut izena. Hala, My Little Weakness, The Lolas taldea. Alain Darroze, avant de passer à Frédéric Proulx, une question, admettons. J'habite à San Francisco. Je fais comment, moi, pour trouver le piment sang? Alain-darroze.fr? Ouais, bien sûr, il y a mon site, mais après il y a l'expédition qui va être un peu chère, et après, généralement, à la douane, il y a des gens qui subtilisent certains colis. Oui. Mais écoute, si quelqu'un de la diaspora fait de l'import-export, pourquoi pas, hein, ouais. Il peut y avoir, parce que beaucoup d'Américains étaient intéressés aussi, parce que je vois quand même du monde, et c'est vrai que beaucoup seraient intéressés, puis il y a une diaspora aussi française. J'ai une amie, Ariane Daguin, qui fait du foie gras sur New York, et elle aussi, ça l'intéressait, donc bien sûr. Voilà quoi. Donc on pourrait... Hasta en San Francisco. Sorry? Vera que gonda San Francisco, no? Es galdera zen, e asmatu, voilà. Bizitzen nahi San Francisco, nola egiten aldut, ukaiteko, erosteko pimanzon hori. Ah. Hori da gauza. Eta, donc, the question was... I'm living in San Francisco. How can I do? If I'm living in San Francisco, how could I also buy this pepper? Yeah, so or the Stella peppers. The best way is for the moment to. He doesn't know because the problems with the douane is It's a joke. No, it's not only a joke. Yeah, no, well, but to bring agricultural products, it's very difficult. Yeah. It's very to introduce. But if customs somebody is quite, in, yeah. if someone in the diaspora is working, Mr. Trump is not Muslim. Oh la vache! I can't say. He drinks wine. Ouais, c'est très, très bien dit, ouais, mais il faut le dire. Il n'y a que sur sortir l'index qu'on a très récupéré. Et là, gauzatzen, beraz, norbait diasporan lan egiten baldin badu import-export munduan, bera prez dago, beren bitartez, zabaltzea, igortzea, bere produktua, ipar-ameriketan, prezeski, edo Kanadan, edo... Kanada, jizkite fo, hein, izan bazea donosti, zapel txotx. Ah, très bien. Voilà, et ils font de l'import-export de txotx et de txakoli entre Egoalde et Vancouver. Très bien. Mais Vancouver, on est collé à Seattle, États-Unis. Donc fait, voilà, fait, c'est donc je mettrai en relation avec eux. Ya que badago la kuasko estatubatutan saltzen dira hemengo produktuak. Bai, the best market boysen. Eta ere Seattleren badago ere horrelako gauza Espainiako produktuak. Eta ere Kalifornian asko eta New Yorken ere. Voilà, donc il disait qu'il y a pas mal d'endroits aux États-Unis, à San Francisco, à Boise ou à New York également, à Seattle, des espèces de commerces qui vendent des produits basques ou espagnols, mais régionalistes sud-ouest quoi. Voilà. C'est formidable. Hein? Donc on va te connecter là-dessus. Bon, tu vas péter la baraque. Segitzen dugu, on va continuer right now avec allez Naya Alain. Vous connaissez la marque Yoko Hansé? Yoko Hansé, ouais. Non. Yoko Hansé, tu connais pas? C'est. Naya? Mais non, pas pour l'instant, mais j'ai hâte. Alors, tu as hâte? Voilà, Yoko Hansé, c'est ce petit logo. Montre-nous ton beau, voilà. Un schistera, un ballon de rugby avec des poteaux. Les deux sports, on va dire, pratiqués au Pays Basque. Oui, phare. Phare. Phare. Et tout ça, c'est mené par une main de maître, et ce monsieur s'appelle Frédéric Proux. C'est pas la première fois que tu viens. Non, c'est la troisième. Je te remercie de ton invitation. Et voilà. Donc, cette fois-ci, parce que bon, Frédéric et moi, nous avions une aventure professionnelle commune, on va dire, qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Mais j'ai quand même voulu le remercier en l'invitant, en tant qu'ami, dans cette émission aujourd'hui. Et donc, Frédéric, écoute, c'est très simple. Pourquoi Yoko Hansé, qui veut dire jeu d'adresse? Pourquoi Yoko Hansé? J'ai pratiqué ces deux sports en amateur. C'est quand même deux sports très très importants, la pelote basque au Pays Basque et le rugby. Alors après, bien sûr, je dis aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent, nous avons le golf, le surf, etc., qui font partie aussi, qu'il ne faut pas oublier, quoi. Mais quand même ancré dans la mentalité des gens du Sud-Ouest, le rugby et la pelote basque sont quand même très, très ancrés, très importants ici au sein de la région. Donc, pour faire simple, j'ai eu l'idée, si tu veux, un peu de sortir du contexte. Alors, je ne vais pas être en désaccord avec Alain, loin de là, parce que c'est gastronomie et moi, c'est le textile, c'est une identité, un partage des valeurs. J'ai voulu sortir un peu de la croix basque. J'ai la famille Abidaray, on est quand même d'ici, quoi. Mais c'est vrai qu'on en voit partout. Le piment, le béret basque, peut importer du Béarn. Donc j'ai voulu remettre un peu au goût du jour une marque un peu avec de la fraîcheur, justement en associant ces deux sports et le travailler en logo, sachant qu'il y a 3650 points de couture. Et le textile, c'est un textile de qualité, choisi, c'est pas fait à la va-vite. Quoi. Ça fait combien de temps que tu as créé maintenant Yoko Hansé? Écoute, là je vais rentrer dans la troisième année. Alors cette année, c'est une année charnière pour moi, parce que je me suis donné des objectifs quand même assez élevés. Actuellement, comme tu le sais, je travaille uniquement sur Internet. Donc les ventes se passent bien. Yokohansé.com. Voilà, www.yokohansé.com. Le problème Internet à l'heure d'aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas connu personnellement, Frédéric Proux, oui, Lusien, les gens me connaissent à travers la famille, etc. Mais autrement, si tu n'es pas, alors je ne vais pas dire une petite notoriété ou un petit coup de pouce du destin, c'est quand même difficile de faire aller les gens sur le site et surtout de passer à l'acte, quoi, à l'achat. Parce que, un, tu ne peux pas essayer le produit. Deux, tu n'as pas la sensation de qualité du textile. Donc, tout ça, c'est quand même pas évident, quoi. Mais pourtant, moi, je sais que ton t-shirt, il a été... on le voit aujourd'hui à Marseille, par exemple. Oui. Fernando Sabalsa, il a foncé. Un petit coucou justement à Fernando. On a eu justement, c'est juste une anecdote, par rapport à la commande, voilà, au point de vue adresse, c'était un peu un méli-mélo, on va dire, mais ça s'est très bien passé, donc j'ai fait un petit coucou. Mais t'as quand même fait, justement, t'as quand même vendu à des personnes assez intéressantes dans la diaspora, ou même en France d'ailleurs, des acteurs, des sportifs, enfin, il y a des gens qui adhèrent quand même à ta marque, hein, enfin, c'est... Oui, mais écoute, là j'ai passé un palier vraiment à partir du mois de septembre cette année, où je commence à être quand même suivi à un niveau très très intéressant sur le réseau professionnel, en dehors. Donc les gens commencent à s'identifier un petit peu à la marque Yoko Hansé et à être intéressés là-dessus. Quoi. Est-ce que tu avais pensé, une idée, parce que là c'est très sport, mais regarde, voilà, on voit que effectivement la gastronomie c'est du sport aussi. C'est du sport aussi. Est-ce que un tablier de cuisine? Oui, Yoko Hansé. Bien sûr. Hein Alain Darroze, regarde, il envisage par exemple de faire le tablier de cuisine, Yoko Hansé. Oui, bien sûr. Moi, je pensais, pour rejoindre ce que disait Alain, c'est que pour une très très bonne soupe, pardon, je pense que habillé avec un joli tablier Yoko Hansé, la soupe ne sera que meilleure. Tu crois? Absolument. Attends, j'en suis persuadé. Ouais, ça, moi, avec un charret pour ramasser, pour faire écumoire. Voilà, c'est oui, ça. Mais, bon, oui, mais si c'est moi qui porte le tablier, je peux te dire que la soupe, elle sera aussi pas bonne que si je l'ai ou pas le tablier. Parce que je ne suis pas gastro. Je fais pas bien la soupe. Si, mais tu te débrouilles bien en cuisine, oui. Oui, c'est vrai. Je fais le sabre très bien. Oui. Donc, Frédéric, là, aujourd'hui, donc, tu dis que tu es en plein développement. Par rapport à la diaspora en elle-même, Yoko Hansé, des objectifs, est-ce que tu aimerais travailler avec un pays en particulier, avec une escualetia en particulier, avec une association, avec une entreprise, est-ce que tu as une cible particulière au sein de la diaspora, je te parle bien? Alors, au sein de la diaspora, oui, bien évidemment, l'Argentine, les États-Unis, tout ça m'intéresse fortement. Le contact que j'avais avec les États-Unis, tu le sais par toi-même, justement par ton biais, quoi. Thomas Arana, l'acteur d'Hollywood qui a joué le jeu, etc. Ouais. Qui est, attention, son grand-père était basque. Ouais. Et donc, c'était une jolie histoire, justement. Et par rapport à tout ça, c'était quand même assez intéressant, quoi. Alors, je vais te mettre en relation avec un autre acteur de Hollywood que tu connais pas. Parce qu'il n'y a pas que Thomas Arana, justement. Non, qui nous a téléphoné dans l'émission ici. Hein. D'accord. L'autre, il s'appelle Hector Elizondo. Ah, c'était un deuxième rôle. Arantxa begira zazur Googleen. Hector Elizondo aurpegia ezagutzen duzunez. Eta Thomas Arana. Voilà, donc Hector Elizondo aussi, qui lui-même revendique ses origines basques, enfin, voilà, comme Thomas Arana. Donc, c'est en fait à Hollywood, ils sont deux, plus celui qui avait joué dans Les Experts, qui avait envoyé un message à Neushkara, au Lendakari Ibarretxe, parce qu'il avait fait ses études à Arrachaté dans les années 70, et que d'ailleurs il a deux filles, et les deux ont des prénoms Euskaldun, donc Ainara, je crois, et Maïté. Voilà, donc William Peterson, il s'appelle William Peterson. Voilà, il a chanté. C'est Mandy Gainian. Enfin, je vais pas chanter, surtout pas chanter. D'ailleurs, que Alain Darroze m'a dit une fois, surtout ne chante pas à la radio. Ah, tu vois. Pourtant, tu as une très belle voix. Oui, mais c'est tout. Mais pour parler. Non. Pour chanter, c'est une casserole, c'est une horreur. Donc voilà. Mais et la seule personne aussi qui pourrait confirmer ce que je suis en train de dire, c'est Florence Lester, qui est conseillère municipale à Bayonne et qui nous écoute là à l'instant. Tu vois un peu le truc, Florence? Juste une petite chose, je voudrais préciser aussi, parce que les gens font un petit peu l'amalgame bien souvent, Yoko Hansé est une marque, bien sûr, à l'identité, je dis bien, à l'identité du Pays Basque, qu'on s'entende bien. Ce n'est ni une marque de pelote basque, ni une marque de rugby. Il y a ce qu'il faut sur le marché. Donc voilà, ça c'était quand même, je tenais à le préciser, parce que des fois, les gens me disent « Ah, encore une marque de rugby ou encore une marque de pelote ?» Parce que justement, forcément, il y a la Chistera et les poteaux de rugby. Je dis « Non, il faut bien identifier le logo, bien évidemment, mais c'est une marque à l'identité du Pays Basque. » En fait, dans le logo, tu m'as représenté, moi, en tant que joueur de pelote. Absolument. Yoko, et puis les poteaux hein, que je représente, vu mon gabarit. Donc, c'est tout à fait ça. C'est un selfie que tu m'as fait. Oui, voilà, oui. En gros, c'était un petit clin d'œil. Alors, belaz gurekin ginuen Frédéric Prou, Gnorda Frédéric Prou, da Yoko Hansé markaren arduraduna, Doni Badelu itzenen kokatzen da, produktu hori, beraz da, Euskal Herriko irudi berri bat, Nahasketa bat da, pixka bat euskal pilotaren mundua eta errugbiaren munduaren artean. Eta gaur egun, ala, bere nahia da, asko ez da gehiago lan egin euskal diasporarekin. Jadanik baditu, pertsonalitate batzuk. Baina egia erran, ala, diasporatik norbait nahi baldin badu, lehenik setasun gehiago ukan, markari buruz da Joko Antze, ubeikoitza irualdiz, jokoantze.com gunean, hor ikusten dituzu produktuak, lekukoak dira, 3600 pundu ditu beraz grabaketak, hor logoaren grabaketa hori, eta egia erran, Frederik gurekin gurela diskide bat da, Elgar bizitu dugu profesional eksperientzia bat, enpresa batekin, hor utzi dugu, baina ala zen enetako ere bai, enetako importantea gomitatzea, emankizun honetan, ala, azken mezu bat pasarazteko diasporari, eta erraiteko, ala, beni naiz Euskal Herrikoa, Euskal Herrian bizi, familia bidarraiekoa, eta badut produktu interesgarri bat, ala, diasporaren dako, eta zergaitik ez, Elgar gauzak egin. Beraz, diasporakoek, xetasun guziak, ubebikoitza iru aldiz, jokoantze.com. Beste? So, I was going to do a shout out to some people in the States, but anyway, we have Frederick here from Don Iván Eloitzune, which is San Juan de Luz. And so he's been with us before. His brand is Joko Antze. And so he works with Pelota Vasca and the rugby products. And so what he would really like to do is try to incorporate more and assimilate like the product in both, you know, in North America, Central America, South America, in the diaspora. And so working with products for like shirts, jerseys, for the athletes that are playing both Pelota Vasca and rugby throughout the world. And we know that in South America, we have a lot of pelotaris throughout Mexico and the Caribbean areas in Central America and also in the United States. So that's his idea, is he would love to be able to spread out and somehow form a partnership with some of the other entities out in the diaspora. Yeah, why not for to make a link with the Xavier Berrueta? Right. For the Basque... United States Pelota Federation, yeah. Etc. Voilà, parce que Esther fait partie elle-même de la Fédération de Pelota Basque des États-Unis. Elle joue dans l'équipe nationale des États-Unis. Et donc, Joko Antze, on pourrait très bien te mettre en relation avec le président, qui est Xavier Berrueta, qui est un de nos auditeurs, un ami. D'accord. Pourquoi pas faire quelque chose aussi avec la Fédé, quoi. Hein? Oui, oui. Hein? Après, juste une petite parenthèse de 30 secondes. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Naya, justement. À l'heure actuelle, Joko Antze aussi, moi, je ne fais pas dans le quantitatif. Alors, bien sûr qu'au bout d'un moment, on va y arriver avec le volume, parce qu'il y aura de plus en plus de demandes. Mais que ça soit dans la qualité du chien ou de la gastronomie comme Alain, etc., moi, je veux dire, il faut revenir quand même aux bases, quoi. Le qualitatif est quand même très, très important, quoi. Et on y revient petit à petit. Ça, c'est quand même... je voulais le souligner, quoi. Et la qualité, bon, 280 grammes, la chemise ? Non, 220 grammes, les polos. Mais les après, polos. C'est vraiment de la qualité. C'est un produit qui est travaillé. Je ne l'ai pas fait au hasard. Je suis parti au Portugal. J'ai appris le textile. À la base, je suis cuisinier comme Alain, mais bien sûr pas à son niveau. J'ai fait des petites maisons quand j'étais jeune en gastro, etc. Attends, mais, il a dit qu'il n'y a pas de niveau. Hein. Non. Je connais son CV, il est bien aussi. Bon, tu viens à la maison quand ? D'accord. Quand tu mériteras. D'accord. Esther, segitzen dugu? Erderaz hor? Bueno, en castellano si podemos hablar. Tenemos a Frederic. La página web. La página. www. Sí, well, in English. So, the website for Joko Antze is www.jokoantze.com. And so you can access that website and kind of look around and see what products they have to offer and get more contact information via the website. Y en castellano, la página web de Joko Antze es www.jokoantze.com. Y tenemos a Frederic, que ya ha estado con nosotros en el otoño, estuvo con nosotros un poco desarrollando su marca, su tienda, que es de San Juan de Luz. Y tienen productos que son particulares para los deportes de rugby y para la pelota vasca. Entonces, tanto como polos de, para usar todos los días, pero también pertenece a los uniformes, para que los jugadores jueguen, etc. Entonces, quiere desarrollar un poco el producto en la diáspora, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, tanto donde hay los pelotaris y los jugadores de rugby, que igual quieren un producto que se puede vender en cantidades también muy grandes. Ya. Pero él que quiere trabajar mucho más la calidad que la cantidad. Claro, eso ha dicho que para él lo importante es que sí puede trabajar en cantidades grandes, pero él quiere que el producto que él vende es de calidad muy buena. Entonces eso es lo importante primero, la calidad, y después que venda, claro, la cantidad para el equipo. Pausatxo bat eginen dugu. Ezagutzen duzu Chile, tu connais el Chili? Ça c'est pour. J'y suis pas allé, mais. Tu connais le Chili? Oui. Allez, ben on va écouter Sting qui va nous chanter Valparaíso. Ah. Valparaíso, Sting. Dark star over the sea. Home where my true love is waiting for me. Rope the south wind, canvas the stars, harness the moonlight so she can safely go round the Cape Horn to Valparaíso. When the port light stop on the green, how will she know of the devils I've seen? Crossing the sky, star of the sea, under the